Maria Abel. Allô chérie, t'en prie, reste avec moi. Ou si c'est la femme que moi ai besoin. Si t'es connais que moi t'aime d'amour. Si moi t'es connu jour que me tape joie l'amour. Garde un rêve, garde un bonheur que va vivre chaque jour. Garde un rêve, garde un ta vin fou. Si ou pas devini nan premier rendez-vous, ou fait plaisir, ou fait sourire. I love you doudou. T'en prie baby, moi est avec. T'en prie baby, est avec moi chérie. Est avec moi doudou. Est avec tout ça vous fait bon moins.